AXA, premier assureur des pros. Tu sais ce que c'est un Covido ? Pas moi non plus. Mais ma sœur, elle a un salon d'esthétique et c'est plus technique qu'on croit. Soutenir sa sœur, pour Jordan, ça coule de source. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA, plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr, étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. L'histoire ne s'arrête jamais, mais pendant l'été, le cours de l'histoire marque une pause. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir certaines émissions déjà diffusées. On se retrouve dès le 28 août avec une nouvelle saison du cours de l'histoire et une programmation toute neuve. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Shakespeare, au théâtre de l'histoire, la pièce Henri V s'ouvre par un chœur qui s'écrie « Oh, que neige une muse de flamme qui s'élève jusqu'au ciel le plus radieux de l'invention !» Un royaume pour théâtre, des princes pour acteurs et des monarques pour spectateurs de cette scène transcendante. Henri V, la pièce de Shakespeare, est écrite par Shakespeare en 1599. D'accord, elle raconte des événements antérieurs autour d'Azincourt. 1415. Oui, mais là, ce que nous venons d'entendre, ce que je viens de vous lire, c'est une traduction de François-Victor Hugo, fils de Victor Hugo, de 1873. Un jeu à travers le temps, Shakespeare historien, Shakespeare dans l'histoire, en tout cas dans nos cœurs. Pascal Briouat, bonjour. Bonjour. Au moment d'évoquer Shakespeare et l'histoire, déjà, quelle histoire raconte-t-il ? Quelle est la période qui l'intéresse dans ses pièces historiques ? Alors, il y a une période essentielle pour Shakespeare qui est la période de la guerre des Deux Roses. Et cette période de la guerre des Deux Roses, c'est la période d'une guerre civile en Angleterre, très important pour ses contemporains qui, eux-mêmes, sont toujours à deux doigts d'une guerre civile entre catholiques et protestants. Parler d'une guerre civile du siècle précédent, c'est aussi parler de soi. Oui, c'est ça. C'est ça qui est passionnant avec Shakespeare. Faut peut-être rappeler le moment durant lequel écrit Shakespeare. Parce que vous nous l'avez dit, Pascal Briouat, c'est cette période que nous appelons les guerres de religion en France. Nous sommes à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle. Voilà, on est pour les pièces historiques dans les années 1590. D'accord, pièces historiques. Mais alors Shakespeare relié à des pièces historiques, est-il le premier, est-il le seul ? C'est toujours la question, il faut prendre un petit peu de recul. Dominique Gouas-Blanquet, bonjour. Bonjour. Shakespeare écrit des pièces historiques, très bien. Nous sommes à la fin du XVIe siècle. Est-il le premier, innove-t-il ? Il n'est pas tout à fait le premier. Le thème est à la mode, il y a plusieurs explications à ça. Il y a le fait qu'on s'est replié sur l'histoire d'Angleterre. À la suite de divers événements dont on aura l'occasion de parler. Et surtout, comme l'évoquait Pascal Briouat, la période extrêmement difficile qu'a été la présence de Marie Stuart sur le sol anglais. On se retrouve à ce moment-là avec deux reines qui sont en compétition et on évoque très souvent au théâtre, dans les débats au Parlement, les conflits du passé qui restent une menace lourde, très très lourde dans l'esprit des contemporains de Shakespeare. Et se greffe là-dessus l'histoire de la guerre de Cent Ans. Les guerres des roses commencent au moment, enfin dans la version de Shakespeare, au moment où les grands chefs de guerre reviennent sur le sol anglais après avoir perdu les territoires qu'avait conquis Henri V. Au moment où Shakespeare écrit, effectivement, il y a la reine Élisabeth, première anglicane, et puis il y a cette ombre terrible, cette menace pour le pouvoir royal d'Élisabeth, Marie Stuart, la catholique. C'est une Angleterre qui est déchirée, mais qui est déchirée depuis longtemps. Elle est très passionnante, cette histoire de l'Angleterre, tant elle est, mais alors, riche de rebondissements. C'est ça aussi qui est intéressant, parce que Shakespeare, dramaturge, a de quoi alimenter son œuvre. C'est une histoire dramatique, effectivement. Alors, elle a été traitée d'abord, évidemment, par les chroniqueurs, mais il y a un précédent aux pièces qui ne sont pas des textes pour le théâtre, mais qui s'intitule « Tragédie ». Et ces tragédies, c'est un recueil qui a été fait, alors on parlait hier du groupe Homer dans votre émission. Là, c'est un groupe de jeunes juristes qui ont composé ce qu'ils voulaient, une suite aux histoires de Boccace, qu'ils intitulent « Le miroir pour les magistrats ». Et ce sont une série de tragédies individuelles racontées par les fantômes d'hommes d'État qui ont vécu au long justement de ces guerres des roses et qui racontent les circonstances de leur chute. Et c'est une matière qui s'inspire de la chronique d'Edward Hall, qui est une des sources principales de Shakespeare. Donc il y a déjà une version, d'une certaine manière, dramatisée de l'histoire dans ses écrits à la première personne. Oui, parce que Shakespeare se repose bien sur des ouvrages, sur des choses qu'il a lues, sur des inspirations, éventuellement sur des narrations, ce qu'il a pu entendre. Pascal Briouat, justement, au XVIe siècle, quelle est cette vision de l'histoire ? C'est toujours le problème, hein. Nous parlons de pièces historiques, mais avec notre définition de ce qu'est l'histoire, ce n'est pas tout à fait la même chose au XVIe siècle. Alors, au XVIe siècle, les choses sont en train de changer. C'est-à-dire que dans la période qui précède celle en France de Froissart, par exemple, ou de Walsingham en Angleterre, les historiens, les chroniqueurs font l'éloge de leur patron, essentiellement. Et pendant la période qui nous occupe, on est en train plutôt de passer dans une façon de faire de l'histoire où on cherche des modèles de grands hommes et des modèles pour l'action. Ça vient, alors Plutarque est très important de ce point de vue-là, parce que les vies parallèles de Plutarque, c'est un modèle humaniste pour Plutarque ou Tacite que lit Shakespeare. Mais également, il y a cette idée et qui est nouvelle d'une histoire qui serait cyclique. Et donc, il y a le passé apporte, pense-t-on, des solutions pour le présent. Et ça, on le retrouve chez Shakespeare, mais aussi chez ce grand auteur contemporain de Shakespeare, qui est Sir Walter Raleigh, qui écrit à ce moment-là une histoire du monde, qui est une histoire cyclique. Et une histoire dans laquelle il y a un peu de présence divine. L'Angleterre, longtemps folle, se lacérait elle-même. Le frère versait aveuglément le sang du frère. Le père, furieusement, assassinait son propre fils. Le fils, par contrainte, se faisait le bourreau du père. Tout ce que divisait York et Lancastre de par leur propre division. Oh, qu'à présent Richmond et Elizabeth, vrais successeurs des deux maisons royales, par un faste décret divin, leur réunissent. Et que leurs héritiers, si Dieu le veut, enrichissent les temps à venir de la paix au doux visage, de l'abondance souriante et de beaux jours prospères. Nos blessures civiles sont fermées. La paix revit. Puisse-t-elle parmi nous longtemps vivre avec l'amen de Dieu ? Une mise en scène radiophonique de Richard III de Shakespeare en 1964, où oui, il y a du divin, nous le savons, en histoire. Le piège le plus terrible, c'est ce qu'on appelle la téléologie, c'est-à-dire expliquer les événements parce que nous connaissons la fin. Nous savons que les Anglais gagnent à la bataille d'Azincourt et que, eh bien, pour cela, nous allons démêler le fil et expliquer cette fin parce que nous la connaissons. Cette conception-là, Pascal Briouat, du point de vue, j'utilise le mot historien avec prudence, n'est pas applicable au XVIe siècle. L'idée de narration des événements du passé ne se conçoit pas comme nous le concevons aujourd'hui. Non, parce que c'est une vision très providentielle de la construction du passé. C'est-à-dire que Shakespeare nous démontre, mais après toute une série de chroniqueurs, il y a une sédimentation d'histoires qui ont été écrites avant dont Shakespeare se sert. Par exemple, le crime initial de Richard II va rejaillir sur ses enfants, les enfants de ses enfants, etc. Et c'est ce destin terrible que racontent les histoires, les pièces historiques de Shakespeare. Le retour du passé et à la fin le triomphe de Dieu, le triomphe des York, puis le triomphe des Tudors, ce qu'il fallait démontrer. Oui, le triomphe des Tudors à la fin. Justement, Dominique Guablanquet. Oui, il y a la téléologie, et il y a aussi la théologie. Vous citiez tout à l'heure Sir Walter Raleigh qui écrit dire que c'est ainsi parce que Dieu l'a voulu, ça serait une réponse juste, mais paresseuse. Et on s'intéresse de plus en plus aux causes secondes. Alors, dans les pièces de Shakespeare, les personnages croient effectivement à des puissances occultes, mais il y a toujours un double système d'explication. Les étoiles, le destin, la fortune, mais aussi une cause naturelle. Et on choisit, au fond, selon ses convictions. Donc il y a une part quand même très discrète de scepticisme. Les premiers vrais historiens qui sont à peu près contemporains de Shakespeare, donc qui ne l'ont pas vraiment influencé comme Camden, ne récusent pas l'œuvre de la Providence. Ils se déplacent un peu et cherchent justement les enchaînements de causes naturelles. Alors dans la série des pièces historiques, il y a quand même un point qui est important, c'est que effectivement dans la chronique de Hall, tout commence par surtout la déposition de Richard II, parce que on rompt la succession dynastique régulière. Et alors, il y aura les héritiers qui ont été frustrés, il y aura tous ceux qui se soulèveront contre l'usurpateur. Mais Shakespeare ne fait pas ça, il ne suit pas la séquence de rôle. Il commence par la deuxième partie. Vous avez cité tout à l'heure Henri V, qui est la conclusion de la série, mais la fin de la pièce dit: le roi qui a tout gagné, son fils reperdra tout, comme souvent notre scène l'a montré. Et donc Shakespeare a commencé par raconter la guerre des roses, et ensuite il est passé à ce qui s'était déroulé auparavant, et là on remonte à la cause de départ, c'est-à-dire la déposition de Richard II. Il me semble que quand on arrive à la fin de Richard III, on est à l'aube des Tudors, évidemment, et on arrive à un terrain qui est quand même miné. C'est difficile de parler de ce que va faire le successeur de Richard III, le premier Tudor, qui ne va pas être capable de maîtriser sans utiliser des moyens discutables les forces d'anarchie du passé. Donc on s'éloigne de ce terrain-là et on retourne en arrière. Et je pense que Shakespeare fera la même chose quand il va passer du cadre de la monarchie d'inspiration divine, chrétienne, qu'il va passer aux pièces romaines. Et que ça, l'enchaînement de toutes ces pièces historiques, c'est surtout une réflexion sur la nature du pouvoir, comment on l'a, comment on le garde. Il y a Machiavel aussi, dont on aura peut-être l'occasion de reparler, qui n'est pas très loin. Ben oui, parce qu'il y a, alors, ce qui s'est passé, les événements, l'histoire dirons-nous, il y a Shakespeare qui s'approprie cette histoire, et puis il y a l'histoire de son écriture, parce que les pièces ne sont pas écrites, c'est ce que vous venez de nous expliquer dans l'ordre chronologique. Ce qui est passionnant systématiquement, le point commun entre toutes ces pièces, Pascal Briouat, c'est qu'elles sont toutes écrites au même moment, enfin dans une dizaine, quinzaine d'années, dans cette période-là. Oui. Donc elles reflètent toute l'interrogation d'un homme dans son temps à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle. C'est ça qui est intéressant. Shakespeare regarde la guerre des roses, mais même l'Antiquité, de son point de vue. Absolument. Et alors, il y a probablement une des premières pièces historiques écrites, elle est sur une temporalité très récente, parce qu'il s'agit de la vie de Sir Thomas More. Et cette vie de Sir Thomas More, donc c'est peu de temps avant Shakespeare, elle est tout à fait intéressante parce qu'elle parle du... aujourd'hui, on en parle beaucoup en Angleterre parce que il est question de migrants et de la xénophobie du peuple anglais. Et donc Thomas More construit tout un discours contre cette xénophobie et c'est absolument passionnant. Mais Shakespeare écrit cette pièce sur du très récent avant de décrire des choses sur Richard II. On ne commence pas avec Richard II pour aboutir aux pièces de Tudor. Donc c'est là que c'est compliqué. C'est-à-dire que on a parfois parlé de tétralogie pour les pièces historiques de Shakespeare. En fait, ça fonctionne plus ou moins parce que l'ordre n'a pas été pensé comme cela. Oui, c'est ça, l'ordre n'est pas pensé. Et justement, dans l'intention même de Shakespeare, Pascal Briouat, Shakespeare historien, bien, l'intention elle-même est complexe, c'est-à-dire que Shakespeare, mais c'est un dramaturge, il n'est pas là pour rechercher la vérité des faits, pour le dire simplement. Non, il faut aussi que ça résonne avec le public qui vient écouter les pièces. C'est-à-dire que quand, par exemple, dans Henri VI, on parle du siège de Rouen, les contemporains de Shakespeare se rappellent qu'en 1589, les troupes élisabéthaines sont allées aider les protestants à Rouen. À chaque fois, il y a des petites... Bon, la déposition de Richard II, elle fait écho avec la rébellion des sexes. Et en fait, la grande question, c'est est-ce que cette Angleterre est gouvernable ? Oui, c'est ça, la rébellion des sexes, c'est le comté des voilà. sexes. Ouais. Non, le comte des sexes. Ah oui, le comte des sexes, oui, bah, voilà, c'est pas un pluriel. Justement, dans cette réflexion, vous avez prononcé ce mot essentiel, Pascal Briouat, nous parlons de théâtre, et il y a un public, c'est le public qui est visé. Dès lors, dès qu'il s'agit de mettre en scène Shakespeare, laissons la voix aux spécialistes. Patrice Chéreau, par quoi le sujet de Richard II a-t-il retenu votre attention ? D'abord par un côté qu'à la pièce, plus que d'autres drames historiques, est une sorte de côté presque didactique. Enfin, c'est une sorte d'explication d'un mécanisme historique. Comment le pouvoir change de main en période de crise, si on veut. Il y a une sorte d'illustration de Machiavel, une sorte de chose très linéaire, très sèche, et qui était belle parce que de par son côté très net, on peut en tirer des leçons. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que, comme elle raconte une période de crise, crise du pouvoir, à l'intérieur du pouvoir, à l'intérieur d'une classe, à l'intérieur d'un monde précis, il y a une description qui est très forte et qu'on retrouve dans peu de pièces, à mon sens, de ce qui se passe, de la mentalité particulière des gens, de la façon qu'ont les gens de vivre pendant une période de crise. Enfin, dans une période de crise, il y a une sorte d'humour très grinçant, je veux dire, où les valeurs du précédentes ne servent plus à rien, mais en même temps sont inutiles, mais en même temps on les défend toujours, on continue, une sorte de production continue comme ça d'idéologie plus ou moins idéaliste. Et bon, il y a une chose qui est très belle, et enfin, en plus, avec toutes les difficultés qu'ont les gens de vivre, avec la violence et en même temps l'humour qu'il y a dans ces passages-là. A eu l'humour, faut le souligner. Patrice Chéreau qui s'exprimait à propos de la pièce Richard II, c'était en 1970. Dominique Guablanquet, vous êtes professeur émérite à l'université de Picardie. Vous êtes l'auteur de Patrice Chéreau, l'intranquille. Justement, au moment de réfléchir à Shakespeare, historien, il y a, et nous l'entendons bien, parce que Chéreau dit beaucoup de choses dans ce texte, hein, la leçon à tirer d'une telle pièce, et puis raconter. Il y a cette narration aussi fascinante dans ces pièces de Shakespeare. Je pense que Patrice Chéreau a très bien lu Shakespeare, ce qui m'avait intéressé d'ailleurs et m'avait attiré vers ce sujet et sa relation à Shakespeare d'une manière générale. Il en fait une lecture très politique. Et on parlait tout à l'heure justement du conflit presque entre les forces surnaturelles et les explications naturelles. Et Shakespeare est le seul... parmi les historiens ou les chroniqueurs qui racontent cette histoire de la guerre de Cent Ans, a touché la cause principale de l'échec en Angleterre, parce que la série commence par l'enterrement d'Henri V. Tout le monde pleure et on s'indigne contre les planètes hostiles qui ont causé cette mort, les étoiles, et arrive une succession de messagers qui apportent des mauvaises nouvelles de la guerre en France. Et un des personnages dit « Ah oui, bien sûr, ce sont les étoiles hostiles. » Et le messager répond « Non, non, non, pas du tout. C'est le manque de troupes et d'argent. Et ce manque, c'est parce que vous, les factions politiques, vous êtes divisées et vous réglez vos comptes au lieu de vous occuper de votre armée en France. » Et ça, Shakespeare est le seul qui dit cela dans les épaisses chroniques qu'il a utilisées pour raconter l'histoire. Donc cette vision politique... des événements elle donne un fil continu. Il y a en effet tous les détails que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a de temps en temps des gros plans sur un personnage qui peut être un petit ou un grand. Un petit que l'histoire écrase, un grand qui joue un rôle en général catastrophique dans cet écrasement. Mais il y a aussi des plans d'ensemble. Et alors là, on voit une avancée qui est aussi quelque chose qui est propre à Shakespeare. Vous parliez de l'histoire cyclique. C'est effectivement comme ça qu'on voit l'histoire à son époque, parce que les humanistes sont très influencés par l'Antiquité, par ce sentiment qu'il y a eu un âge d'or et que maintenant on arrive à l'âge de fer. Et donc, tout ce que peut faire l'effort humain, c'est de retarder l'échéance. Même Machiavel dit cela. Shakespeare, à ma connaissance, est l'un des rares qui imagine que le temps puisse également travailler à reconstruire. Et c'est un thème qui se développera dans le reste de son œuvre. Le temps détruit, mais le temps recrée. Une génération remplace une autre. Et ça, déjà dans les pièces historiques, c'est un point très sensible. Ça se termine à chaque fois, la série, par un tas de cadavres et des mariages. Oui, c'est un bon résumé aussi. Vous avez parlé du temps, c'est vrai que le temps c'est essentiel, hein, ce temps pour l'histoire. L'histoire c'est l'étude du temps, mais le théâtre aussi c'est le temps. Il y a le temps de l'écriture et le temps de la représentation. C'est thématisé dans Richard II, où le temps est très présent justement, le temps qu'on ne peut pas rattraper, on ne peut pas remonter le cours du temps. Et c'est lui l'agent principal du drame. Dans Richard II, c'est dit de façon très explicite par les personnages qui ne disent pas « Temps suspend ton vol, mais temps revient en arrière. Permets-moi de corriger l'erreur que j'ai faite hier. » C'est passionnant hein, de se dire que le dramaturge s'empare du temps au sens du passé, mais le temps lui-même, comme acteur même de la pièce. Et justement, Pascal Brioua, dans ce temps de la représentation, parce que c'est du théâtre, il faut le rappeler, nous ne sommes pas que dans l'histoire des idées. Il y a des idées, mais il y a du concret, du quotidien. Ces pièces sont représentées devant quel public ? Alors déjà, on est dans le cadre de ce Great Wooden Hall, le grand haut de bois que sont les théâtres publics anglais. Il y a des théâtres privés comme Blackfriars, où on joue devant la cour, mais il y a aussi des théâtres publics. Ces théâtres publics sont très ouverts, finalement, dans une ville comme Londres, qui, sous Elizabeth, a à peu près, grosso modo, 80 000 habitants, il y a une partie importante de la population qui peut aller au théâtre. À l'intérieur du théâtre, il y a plusieurs endroits. Il y a les loges, évidemment, pour les rois dont vous parliez en introduction. Il y a et pour la cour, et puis des places assises pour la bonne société, et puis des gens qui se tiennent debout. Et là, même les apprentis peuvent aller voir les pièces de Shakespeare. Donc le grand haut de bois est le lieu d'une pédagogie pour Londres tout entier. Et là, c'est remarquable. Et il y a une matérialité importante. Oui, parce que la pédagogie, c'est aussi un des vecteurs de succès de ces pièces. Rappelons, parce que dès que nous parlons de la représentation théâtrale, nous imaginons très vite le théâtre à l'italienne, c'est très feutré, la représentation du soir, etc. Non, nous ne sommes pas du tout dans ces considérations-là au XVIe siècle en Angleterre. Non, pas du tout. On est aussi dans un lieu où on commente, où on mange des oranges. Il y a beaucoup de lumière. Voilà. Et il y a de la musique. Il y a énormément de musique pour ces pièces historiques. On joue des cornets, des sacs-boutes, des trompettes, des tambours, des flûtes pour mettre en place le décor sonore de la guerre. Ça, c'est très très présent chez Shakespeare. Les costumes aussi. Les costumes, bon d'abord, on récupère des costumes des aristocrates, de manière à... parce qu'il faut que ça ait l'air de quelque chose. Mais on récupère aussi, par exemple, des costumes de marins. J'ai vu au British Museum exposé un costume de marin du XVIe siècle qui a été préservé parce qu'il était dans les coffres de comédiens. Donc ça, c'est très intéressant. Les armes aussi. Les armes aussi. On a, il y a un livre qui s'appelle Brawl Ridiculous sur l'escrime chez Shakespeare. Toutes ces armes sont là. Le public vient voir des choses précises. Ce public qui va voir des compétitions d'escrime, qui adore ça, vient voir les pièces historiques. parce que ces pièces sont des pièces d'action. Oui, parce qu'il y a des effets spéciaux, c'est sensationnel. Ah, il y a des effets spéciaux, et les effets spéciaux, ce sont même des marins qui les actionnent. Donc, ce peuple de marins... Et ça maniait les cordes, en fait. Voilà, ouais, c'est ça. Et dès lors, et vous l'avez dit, Pascal Briouat, il y a une vocation pédagogique. C'est une histoire qui est racontée. Shakespeare raconte l'histoire, dès lors, est-il historien ? Qui dit poète, dit en même temps et nécessairement historien et philosophe. À toutes ces profusions, analyse, synthèse, création en chair et en os, rêverie, fantaisie, science, métaphysique, ajoutez l'histoire. Ici l'histoire des historiens, là l'histoire du conte, des spécimens de tout. Du traître, depuis Macbeth, l'assassin de l'hôte, jusqu'à Coriolan, l'assassin de la patrie. Du despote, depuis le tyran cerveau, César, jusqu'au tyran ventre, Henri VIII. Du carnassier, depuis le lion jusqu'à l'usurier. Et au fond de ce drame prodigieux, sur la bruyère déserte, au crépuscule, pour promettre aux meurtriers des couronnes, se dressent trois silhouettes noires, où Hésiode, peut-être, à travers les siècles, reconnaît les parcs. Une force démesurée, un charme exquis, la férocité épique, la pitié, la faculté créatrice, la gaieté, cette haute gaieté inintelligible aux entendements étroits, le sarcasme, le puissant coup de fouet aux méchants, la grandeur sidérale, la ténuité microscopique, une poésie illimitée qui a un zénith et un nadir, l'ensemble vaste, le détail profond, rien ne manque à cet esprit. On sent, en abordant l'œuvre de cet homme, le vent énorme qui viendrait de l'ouverture d'un monde, le rayonnement du génie dans tous les sens, c'est là Shakespeare. Sublime Victor Hugo dans son William Shakespeare, sublimement lu par Daniel Königsberg dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig, avec aujourd'hui à la technique Maïwenn Le Géant. Non mais c'est beau, hein, Victor Hugo qui parle de Shakespeare. C'est magnifique, il a une lecture très personnelle de Shakespeare. On sent bien dans les traductions de son fils l'identification qui s'est produite entre les deux grands créateurs. François Victor Hugo en fait de Shakespeare un rebelle qui se dresse, justement à propos de Richard II, il se dresse contre la sultane en jupon, dit-il. Mais Victor Hugo a galvanisé le public des années 1830, effectivement, avec sa lecture enflammée. On sort d'une longue période où Voltaire a dominé et la jeune génération de Victor Hugo se révolte contre les dictats du goût et prend Shakespeare vraiment comme une oriflamme. Mais c'est bien parce que cette période du 19e siècle, quand écrit Victor Hugo, est celle du drame romantique où le théâtre a vraiment une place, mais très singulière, dans la portée politique. Et si nous faisons un parallèle avec ce qui s'est passé au XVIe siècle pour Shakespeare, il y a une vraie réflexion à avoir, Dominique Goablanquet, sur ce qu'est le théâtre au XVIe siècle. Parce que ce théâtre en Angleterre connaît des modifications. Le théâtre, ça a été longtemps quelque chose de religieux. Ce sont les mystères qui étaient représentés avec des scènes tirées de la Bible ou de traditions liées à la religion. Au XVIe siècle, il se passe quelque chose en Angleterre. Oui, et quelque chose d'unique, parce que justement l'Angleterre s'est coupée du continent d'une certaine manière. Henri VIII et la jeune génération de ses contemporains étaient très tournés vers l'Italie, vers l'Europe. Et tout d'un coup, c'est comme si on fermait les frontières. Et il y a un repli qui se reportera justement sur l'histoire nationale. Alors, on joue le premier théâtre connu, le premier théâtre public, c'est 1576, dont Shakespeare, à ce moment-là, il a 12 ans. Et à partir de là, alors le théâtre public, c'est un espace en plein air. On joue l'après-midi. Quand on pense à une pièce comme Othello, qui commence, il fait nuit noire. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'il fait nuit noire ? Parce que les acteurs se promènent avec une torche à la main et le public est sommé de croire qu'il fait nuit. Un grand érudit de l'époque, c'est Philip Sidney, qui, lui, connaît les développements du théâtre sur le continent, le néoclassicisme, les scènes à l'italienne qui commencent à ce moment-là, trouvent que la scène anglaise est barbare. Ils disent c'est n'importe quoi. On ne respecte pas les unités. On a au début de la pièce un enfant qui vient de naître. Il se marie à la fin. C'est précisément ce qui se passe dans Henri VI. Et au cours de cette période, on verra défiler toutes sortes de gens d'Afrique et d'Asie. La scène sera tour à tour une caverne, une prison, un palais. On ne s'y reconnaît plus. Sauf que c'est faux. On s'y reconnaît très très bien. Et on l'a bien vu en France, par exemple, quand des créateurs comme Ariane Mnouchkine ont monté Richard II dans un espace sans repère, avec des souvenirs de costumes japonais magnifiques. Les gens qui étaient très déroutés au début se sont très vite mis à l'écho de cette dramaturgie qui est d'une grande liberté, parce que on demande au public, bon voilà, vous imaginez. C'est ce que dit le prologue de Henri V, là où vous verrez deux hommes avec des sabres de bois, vous devez imaginer toute une armée, vous entendrez un son de trompette, vous saurez que c'est une charge de cavalerie, etc. Et cette dramaturgie, on a vu qu'elle fonctionnait très très bien, que le public, même un public pas du tout éduqué, comprend vite, justement, c'est une convention qui est passée entre la scène et l'auditoire, c'est ce que Coleridge a appelé « the willing suspension of disbelief ». Il faut vouloir suspendre, retenir son incroyance. Et ça marche très très bien. Et dans ce type de théâtre, donc, on peut raconter des histoires qui engloberont les champs de bataille de France, ceux d'Angleterre, ensuite, malheureusement. Parce qu'il y a ça aussi, je vais m'arrêter là. Ensuite, dans l'histoire que raconte Shakespeare, dans ces deux tétralogies, comme on les appelle, ces deux séries de pièces, il y a une progression de plus en plus sombre vers le resserrement de l'action autour d'un seul personnage qui va être Richard III et qui est lui-même le produit de la guerre civile. Oui, parce que il y a les événements racontés et la manière de les raconter, vous nous le dites très bien, Dominique Goy-Blanquet. Pascal Briouat, c'est ça aussi qui nous intéresse dans la manière de transmettre l'histoire. Vous avez évoqué la musique essentielle pour la représentation. Quand nous réfléchissions au public, vous nous avez dit c'est tout le monde. Tout le monde peut venir voir une pièce de Shakespeare. Il y a aussi l'attente du public. L'histoire est racontée, il y a la manière de la raconter, mais pourquoi la raconte-t-on ? Pourquoi les gens veulent savoir ? C'est un désir de connaître son passé pour ces Anglais de la fin du XVIe siècle ? Il y a certainement la construction, et c'est vrai que c'est mystérieux, cet engouement pour les pièces historiques qui durent une décennie, quoi, globalement. Peut-être un petit peu plus si on prend les prédécesseurs. Mais l'essentiel, mais, oui. Mais l'essentiel, c'est quand même sur une décennie. Alors, pourquoi cet engouement ? Je pense que ça correspond aussi à un moment de proto-nationalisme. Faut se rappeler qu'en 1588, l'Angleterre a failli être envahie. Hein. L'invincible armada espagnole. Donc là, on est juste après. Donc il y a du mythe. Il y a du mythe autour de la dynastie Tudor qu'on construit, mais si on regarde bien Shakespeare, c'est toujours plus compliqué. Parce que s'il faisait seulement de la propagande, il n'y aurait pas besoin d'avoir de la censure. Et toutes les pièces historiques de Shakespeare sont en tension. Henri V, c'est un bon roi, mais aussi un roi qui fait pendre ses amis. Il y a cette tension, elle est permanente dans pratiquement toutes les pièces de Shakespeare. Et aujourd'hui, les historiens de la littérature pensent que dans les années 40 jusqu'aux années 70, on pensait que voilà, il y avait un mythe York, un mythe Lancastre, un mythe Tudor, et que voilà, toutes les pièces de Shakespeare étaient très téléologiques. Aujourd'hui, on en est convaincu, beaucoup plus compliqué que cela. Oui, c'est ça, d'ailleurs, qui explique le succès. Je ne pense pas du tout qu'il fasse l'apologie de la monarchie Tudor. Au contraire, il s'arrête au moment où arrive le premier Tudor. C'est ça qui est tellement intéressant. Et je pense la raison pour laquelle il remonte dans le passé pour continuer l'histoire du pouvoir royal. Parce que le grand dilemme de cette première série de pièces, c'est comment est-ce qu'on peut concilier, vous parliez tout à l'heure, de la force des croyances On croit effectivement qu'il y a la main divine au-dessus du roi, et en même temps, ce type de monarchie ne peut absolument pas contrôler les forces qui se manifestent, justement ces grands ambitieux, les tensions et les divisions. Et donc, on est obligé d'employer des moyens beaucoup plus terre-à-terre pour les maîtriser. Comment est-ce que le roi très chrétien et très bon qu'est Henri VI aurait-il pu maîtriser ses forces? Et c'est ce dilemme-là qui arrive à produire un monstre comme Richard III. Et arrive là-dessus le premier Tudor, dont on ne sait absolument rien. C'est l'enfant du miracle. Et hop, on s'arrête. Comment il va faire? C'est impossible qu'il puisse justement être ce roi très chrétien, celui des vitraux, sans exercer, alors c'est la force de la réelle politique, sans exercer une autorité forte qui peut être extrêmement punitive. Et la solution, elle arrive à la fin de la toute série, Henri V, qui fait une division assez machiavélienne entre la sphère privée où il est un modèle de vertu et la sphère publique, le bras armé de la justice ne doit avoir aucune faiblesse, aucune émotion. Et il fait exécuter, comme vous le dites, ses propres amis, mais d'abord les membres d'une conjuration, qui sont ses cousins, qui s'estiment justement plus légitimes que lui, en disant « Nous pardonnons les fautes commises contre nous personnellement, mais nous nous devons d'être exemplaires dans l'exercice de la justice. » Et hop, il les envoie tous au bloc. Oui, c'est cette petite complexité qui est passionnante, hein, la sphère publique, la sphère privée, l'ambiguïté des individus. C'est ça aussi qui porte l'œuvre de Shakespeare. La main divine au-dessus du souverain, ça c'est une chose, peut-être au-dessus d'un pays aussi, l'Angleterre. C'est aujourd'hui la fête de la Saint-Crépin. Celui qui survivra à ce jour et rentrera sain et sauf chez lui, se dressera sur la pointe des pieds quand on citera ce jour. Il se grandira au seul nom de Crépin. Alors, nos noms, familiers dans sa bouche comme des noms de tous les jours, Harry le roi, Bedford, Exeter, Warwick et Talbot, Salisbury et Gloucester, seront au milieu de leur libation célébrée à nouveau. Cette histoire, l'homme de bien la contera à son fils. Et la Saint-Crépin ne reviendra jamais à compter de ce jour, jusqu'à la fin du monde, sans que de chacun de nous l'on se souvienne. Cette heureuse poignée d'hommes, cette bande de frères, car quiconque aujourd'hui verse avec moi son sang sera mon frère, si humble qu'il soit ce jour, anoblira sa condition. Et les gentilshommes anglais, aujourd'hui dans leur lit, se tiendront pour maudits de ne pas s'être trouvés ici et compteront leur bravoure pour rien, tandis que parleront ceux qui se sont battus avec nous en ce jour de la Saint-Crépin. C'est la voix de Gérard Depardieu dans le Henri V de Kenneth Branagh en 1989. Alors, cette Saint-Crépin, c'est la bataille d'Azincourt. Pascal Briouat, vous êtes professeur à l'université de Tours. Vous êtes l'auteur de Sciences et Sociétés en France, Angleterre, sur la période qui nous intéresse, en 1697-1689, enfin, co-auteur avec plusieurs. Et puis, vous avez participé à cet ouvrage, William Shakespeare, Roi Henri V, King Henri V, vous avez travaillé sur Azincourt notamment, c'est formidable, Azincourt 1415, c'est tout un imaginaire que nous portons en France, que les Britanniques, que les Anglais portent aussi, grâce à Shakespeare notamment. Oui, je dirais même le monde entier porte cet imaginaire, parce que ce qu'on vient d'entendre, le chariot speech de Henri V, le speech du chariot, il est repris dans quantité de films hollywoodiens. Je veux dire, Independence Day, bon, c'est un F-15 qui fait office de chariot, mais c'est pareil. Il y a là un discours nationaliste ou proto-nationaliste qui se construit, qui est très intéressant. Alors en même temps, est-ce que Shakespeare raconte vraiment Azincourt? C'est-à-dire que déjà les chiffres sont mauvais. Globalement, on pense aujourd'hui et que vous savez, dans Henri V, il y a A priori, il y aurait quelques Anglais, quelques malheureux Anglais qui auraient tenu tête à une marée humaine de chevaliers français en armure. En vérité, on pense qu'aujourd'hui, peut-être il y avait 12 000 hommes côté français, et peut-être qu'il y en avait 9 000, 10 000 côté anglais. Donc, c'est pas si... voilà, c'est pas si différent que ça. Les personnages qui combattent, le Shakespeare fait combattre le roi de France, le dauphin, le duc d'Orléans, etc. Et ils étaient pas là. Donc il y a là, il se sert de sources diverses, hein, Holinshed, mais aussi plein d'autres chroniqueurs qui l'induisent en erreur, mais peu importe, ce qui compte, c'est de construire. Voilà, c'est l'apex, hein, de la pièce qu'on vient d'entendre, de construire ce magnifique éloge de l'Angleterre. Oui, c'est ça, hein, c'est cet aspect nationaliste qui est intéressant. C'est, on rejoue et on refait entendre ce discours chaque fois que l'Angleterre se sent menacée. On l'a entendu à la BBC au moment de la guerre des Malouines ou des Falklands, comme on disait en Angleterre, et on le ressort périodiquement, effectivement, comme un hymne national. Alors que la pièce est beaucoup plus subtile et complexe, vous avez raison. Et puis, on parlait tout à l'heure des images religieuses et des croyances. Il y a un autre moment important juste après, le roi, très intelligemment, après avoir prononcé ce superbe discours de la Saint-Crépin, immédiatement fait chanter un Non Nobis. Ah. Ce n'est pas à nous, mais c'est à toi, Dieu, que revient la victoire. Donc Dieu lui a donné la victoire parce que c'est lui qui la méritait. Et oui, puis justement, au moment de réfléchir pour Shakespeare à écrire ses pièces, c'est vrai que d'utiliser le passé est toujours très intéressant parce qu'en écrivant sur le passé, il parle pour le présent. Aurait-il pu écrire des pièces sur les souverains contemporains? Il l'a fait après la mort d'Henri VIII, qui fait et ne fait pas partie de la séquence historique, et où la part d'histoire est extrêmement mince, en fait. Henri VIII se termine par le baptême de la reine Élisabeth. Un certain nombre de grands personnages sont tombés, ont été exécutés, et c'est l'archevêque Cranmer qui baptise l'enfant et qui lui promet un très grand avenir dans une Angleterre heureuse, etc. Sauf que dans l'intervalle, la plupart des gens qui sont les protagonistes de l'action vont être exécutés. Mais ça, on n'en parle pas, on met l'accent sur la réconciliation et un futur ensoleillé. Donc elle est assez loin de la série qui, elle, est beaucoup plus justement nourrie d'histoire. Vous parliez tout à l'heure de l'histoire, pourquoi cet engouement? Parce qu'on lui prête à l'époque énormément de vertus. Elle incite à l'héroïsme parce qu'elle montre des images exemplaires du passé. Et on a un témoignage, par exemple, sur la première pièce de la série, Henri VI, où un contemporain de Shakespeare, écrivain lui-même, Nash, dit que de voir ce personnage de Talbot, Talbot, a enthousiasmé des dizaines de milliers de spectateurs et leur a inspiré, justement, le désir d'imiter cet exemple héroïque. On croit encore que le présent répète le passé. C'est quelque chose qui commence très très très lentement à évoluer, cette idée qu'il y a une discontinuité entre les époques, mais c'est encore une idée neuve. Donc l'histoire enseigne, l'histoire éduque, l'histoire édifie. L'histoire édifie et puis l'histoire légitime aussi. Oui. Petit extrait encore d'Henri V de Shakespeare. Maintenant, toute la jeunesse d'Angleterre est en feu et les galantes soieries reposent dans les garde-robes. Maintenant, les armuriers prospèrent et l'idée d'honneur règne seule dans le cœur de chacun. Maintenant, on vend le pâturage pour acheter le cheval. Pour suivre le modèle des rois chrétiens, tous, mercure anglais, ont des ailes aux talons. Car maintenant, l'espérance est dans l'air, tenant une épée cerclée de la pointe à la garde, par un tas de couronnes impériales, de diadèmes et de tortilles. Promis à Henri et à ses compagnons. Les Français, informés par de fidèles avis de ces formidables préparatifs, tremblent de frayeur et par une pâle politique essaient de déjouer les projets anglais. Ô Angleterre, qui a en toi ta grandeur idéale, petit corps au grand cœur, Que ne pourrais-tu faire à la suggestion de l'honneur si tous tes enfants étaient bons et loyaux? Mais vois ton malheur. La France a trouvé en toi une nichée de cœur vide qu'elle comble avec l'or de la trahison. Pierre-Marie Baudouin qui lisait dans le cours de l'histoire sur France Culture un extrait d'Henri V. Et alors là, il faut se rappeler que nous parlons de théâtre. Et quand nous entendons comme ça, maintenant, nous sommes à la toute fin du XVIe siècle, mais les événements racontés, le maintenant dont il est question, c'est au XVe siècle, hein, c'est 1415. Le spectateur, lui, il entend ce maintenant. Pascal Briouat, il y a aussi de cela, il y a ce jeu en fait magique. Il y a un jeu qui est qui fonctionne aussi avec tous les patronymes cités dans la pièce. C'est-à-dire que quand on dit Gloucester, Westmoreland, ces gens-là, ils existent. Enfin, les familles existent toujours. Et donc, ces nobles qui viennent au théâtre, ils entendent les noms de leurs ancêtres. Hein, les Northumberland, les Perth, les Warwick, les Kingmakers, toutes ces qualifications des personnages du passé. Faut imaginer que toute la cour vient là et entend parler de ses ancêtres. Donc il y a un jeu constant entre le présent et le passé. Ouais, et dans ce jeu constant, il y a de l'humour aussi. Il faut le rappeler, hein. Alors ça, non, mais Shakespeare, c'est vraiment essentiel. Dominique Gouas-Blanquet, cet humour-là, il porte aussi l'histoire. Il y a comme une mise à distance toujours avec l'humour, d'ailleurs. Oui. Je pense qu'il est, pour la pièce peut-être, où le tragique frôle le comique constamment, c'est Hamlet. Il n'y a pas énormément d'humour dans les premières pièces historiques, mais il y a aussi une évolution très rapide de Shakespeare. On s'en aperçoit dans la construction de ses pièces. La première est relativement simple. Il y a les bons Anglais, les méchants Français. Puis peu à peu, ça devient plus compliqué parce qu'il y a des méchants Anglais aussi. Mais dans Hamlet, l'humour du personnage, cette ironie qu'il a... Alors non, je reviens en arrière. Le premier grand personnage plein d'humour, c'est Richard III. Et alors là, on parlait du pouvoir de l'histoire et l'histoire racontée par Shakespeare. Il s'est beaucoup inspiré de l'histoire de Richard III racontée par Thomas More, qu'on évoquait tout à l'heure, qui a été donc le chancelier d'Henri VIII, qui l'a fait exécuter. Et Thomas More compose un personnage extrêmement brillant et intéressant, dont Shakespeare s'est inspiré. Mais Thomas More raconte une histoire qui commence dans une Angleterre sereine et paisible. Alors que Shakespeare montre au contraire une Angleterre complètement déchirée. Et il a composé un personnage dont on sait maintenant, tous les historiens l'ont dit et répété, que c'était une fabrication, que c'était absolument pas le monstre inventé par Shakespeare, sauf que c'est ce monstre-là qui marche. Et que la plupart des Anglais maintenant, si vous les interrogez sur Richard III, penseront au Richard III de Shakespeare et pas du tout à celui que la vérité historique a reconstitué. C'est pour cela que dans le cours de l'histoire, nous voulions consacrer des émission aux grandes sagas historiques, parce que avant d'aller lire les ouvrages des spécialistes, nous avons des vecteurs qui nous conduisent vers l'histoire. Ben, Shakespeare par exemple, et puis il ne faudrait pas oublier le talent, parce que quel grand plaisir de lecture. Donc voilà, Shakespeare nous conduit à lire d'autres ouvrages, et bien par exemple les vôtres, hein, Dominique Gouas-Blanquet, Patrice Chéreau, L'Intranquille, ou alors vos ouvrages aussi, Pascal Briouat, où nous allons retrouver Léonard de Vinci, je le dis, parce que vous êtes le grand spécialiste de Léonard de Vinci, et toute cette réflexion autour de Shakespeare. Merci vivement à tous les deux de cette traversée merci dans l'œuvre historique de Shakespeare. Merci à vous et merci de cette série d'émissions. J'attends avec impatience les Rois maudits. Eh bien, ils arrivent, ils ne sont pas loin. Mais pour l'instant, celui qui arrive, c'est Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Qui a vraiment inventé le football? Les amateurs de football savent que les Anglais, qui sont très fiers de leur Premier League, aiment répéter qu'ils ont inventé le football parce qu'ils en ont codifié les règles actuelles à la fin du 19e siècle. Les Italiens leur répondent parfois que leur calcio est beaucoup plus ancien, car on le pratiquait déjà à Florence, à la Renaissance. En réalité, les sports utilisant des ballons sphériques de taille variable remontent à l'Antiquité, puisque les légionnaires de l'Empire romain pratiquait déjà un jeu de balle appelé arpastum. Ce terme, qui signifie en latin « déchirer avec force », montre que dès le départ, ce sport a été caractérisé par son agressivité. Grâce à ses légionnaires, il s'est diffusé dans tout l'Empire romain et notamment à Florence. À la Renaissance, les dirigeants de la ville ont commencé à le réglementer pour tenter d'empêcher des débordements qui pouvait dégénérer en bagarre générale. Peine perdue, car le calcio florentin faisait partie des traditions carnavalesques opposant les jeunes nobles des différents quartiers de la ville. Ils s'affrontaient dans des matchs de 50 ou 60 minutes devant une foule bruyante et dans une ambiance musicale. Le match le plus célèbre eut lieu le 17 février 1530. Ce n'est pas le déroulement de la partie qui a marqué les esprits, mais sa signification symbolique. La ville étant alors assiégée par les troupes de l'empereur Charles Quint, les habitants de Florence décidèrent d'organiser ce match sur la place de Santa Croce dans le cadre des festivités du carnaval afin de montrer aux soldats ennemis qu'ils ne les craignaient pas. Cet acte de résistance n'empêcha pas l'empereur de reprendre le contrôle de Florence au profit des Médicis qui régneront sur la ville de 1531 jusqu'à 1737. Le calcio florentin connut une éclipse à partir du XVIIe siècle, mais il réapparut au cours des années 30. De nos jours encore, chaque année, au mois de juin, on commémore le match du 17 février 1530, mais les enjeux sportifs et politiques se sont effacés au profit des intérêts touristiques, comme en témoigne cet extrait du guide du Routard. Je le cite. À partir du 14 juin et jusqu'à la finale du 24 juin, sur la Piazza di Santa Croce, on voit s'affronter les adeptes du calcio storico, l'ancêtre du football, un curieux mélange de trois sports, football, rugby et lutte. Les quatre quartiers de la ville s'opposent jusqu'à la finale, San Giovanni, Santa Maria Novella, Santa Croce et Santa Spirito. Chaque équipe ne compte pas moins de 27 joueurs, dont 15 attaquants, pour pimenter le spectacle. Cette manifestation est précédée d'un grand défilé, en costume Renaissance, réunissant 500 participants, un banquet clôt les festivités. Le 24 juin, jour de la Saint-Jean, saint patron de Florence, c'est le match final et le bouquet final avec le feu d'artifice tiré du belvédère. C'est ce jour-là que la fête bat son plein. Les Anglais ont donc raison d'affirmer que le football d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le calcio florentin, même si les Italiens continuent à utiliser le mot calcio pour désigner leur championnat national. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscane-Viudès, Marion Dupont, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach et Sophie-Catherine Gallet. Cette émission, toutes les précédentes, toute la série consacrée aux grandes sagas historiques ainsi que le pourquoi du comment de Gérard Noiriel sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.